Adi Ashanti. Le silence. Le silence véritable a tout à voir avec notre état de conscience. Nous connaissons tous ce que je nomme le silence manufacturé, un type de silence mort. Si vous avez fréquenté des groupes de méditation, vous aurez probablement goûté à ce silence fabriqué. C'est le genre de silence produit par la manipulation du mental. C'est un faux silence parce qu'il est fabriqué, contrôlé. Le silence véritable n'a rien à voir avec aucune forme de contrôle ou de manipulation de vous-même ou de votre expérience. Cessez donc de contrôler le mental. Je suis ici pour parler de l'illumination spirituelle et de liberté. Nous sommes entourés par une conscience grossière. Ce type de conscience est lourd, épais et dense. C'est cette conscience grossière que l'on voit à la télé, pour l'essentiel. La plupart des films sont animés par celle-ci. Grossier, en ce sens, signifie endormi, dans l'état de rêve. De cet état de conscience grossier, le silence est perçu comme objet. La quiétude est conçue comme quelque chose qui vous arrive. Ce n'est pas le véritable silence. Le véritable silence est votre nature essentielle. Il est absurde de dire « je suis silencieux ». En l'examinant, ce n'est pas tant être silencieux qu'être le silence. Sur le plan conceptuel, il y a en apparence peu de différence entre l'expérience « je suis silencieux » et « je suis le silence ». C'est pourtant toute la différence entre l'asservissement et la liberté, entre le paradis et l'enfer. Cessez de considérer le silence comme une absence de bruit, bruit mental, bruit émotionnel ou bruit extérieur. Tant que vous concevrez le silence comme une entité objective, comme quelque chose qui n'est pas vous, mais qui peut venir à la manière d'une expérience émotionnelle, vous pourchassez une idée projetée par vous-même. Chercher le silence, c'est comme être dans un bateau à moteur sur un lac, en quête d'un coin placide où règne le silence, et vous foncez, vroom, tenaillé par une angoisse croissante que vous n'allez jamais le découvrir. Peu importe que vous voguiez sur ce lac pendant des siècles, vous ne trouverez jamais le silence. En vérité, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le moteur au ralenti, de fermer les gaz, et vous y voilà. Alors, tout devient immobile, très silencieux. Si vous êtes réceptif et ouvert, vous revenez peu à peu à votre état naturel, qui est serein. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de faire une merveilleuse découverte, non en raison de mon intelligence, mais à cause d'un échec total. Les disciples du Zen font beaucoup de méditations concentrées sur le souffle. Cette pratique paraît très concentrée, mais souvent vous croyez surveiller votre respiration et vous vous apercevez que vous suivez une histoire concoctée par le mental. C'est comme de tenter de discipliner un chien qui refuse d'être entraîné. Quelques personnes semblent douées pour ce genre de pratique. Elles maintiennent leur concentration, demeurent sans pensée et elles calment le mental. Pour ma part, je n'ai jamais eu la capacité de maintenir ainsi mon mental. Je n'étais pas très doué. Après quelques échecs répétés, j'entendis mon maître me dire « Tu dois trouver ta propre voie ». Au lieu de me bloquer sur une concentration étroite, j'ai découvert que ma propre voie était d'être simplement présent, de devenir totalement ouvert. Il s'agit davantage d'écouter que de se concentrer. Dans cet état d'écoute, j'ai découvert un espace tout à fait naturel, un espace qui est le seul à n'être pas contraint. Dans cet état, analogue à l'écoute, j'ai constaté peu à peu que tout effort pour contraindre engendrait un autre état. Dès que je faisais un effort, un état fabriqué surgissait de nulle part. Je pouvais faire naître des états merveilleux, terribles ou concentrés, toutes sortes d'états. Mais il n'y avait qu'un seul état qui soit totalement naturel et absolument sans effort. Dans cet état, j'ai découvert l'accès au soi le plus profond, à la liberté. De par sa nature même, cet état ne doit exiger aucun effort. Il ne doit pas exiger d'être maintenu. Un mental silencieux auquel on a accédé par la concentration finit par être un esprit morne. Ce n'est pas un esprit libéré. Il donne une impression de calme, il est agréable parce que silencieux, mais il n'est pas libéré, et dans votre être, vous n'êtes pas libéré non plus. C'est le genre de paix mentale à laquelle on accède après avoir appris à méditer par la concentration. Et vous dites ensuite à votre maître, « Oui, j'ai trouvé la paix, mais quand je cesse de méditer, la situation est catastrophique. » Cela révèle au maître exactement le type de méditation à laquelle vous vous livrez. Vous contrôlez votre expérience. En quittant le coussin de méditation pour vaquer à vos occupations, lorsque votre attention se tourne vers l'extérieur, vous ne prêtez plus attention à votre concentration, donc votre paix mentale disparaît parce qu'elle est fabriquée. La moitié de la pratique d'investigation spirituelle consiste à vous conduire instantanément au silence. À l'interrogation « Qui suis-je ?», une réponse honnête vous conduira directement au silence. Le cerveau n'a pas de réponse, donc soudain il n'y a que le silence. La question est censée vous mener à cet état de silence qui n'est pas fabriqué, où la pensée, la quête de l'expérience émotionnelle appropriée échoue. Vous remarquerez que les interrogations « Qui suis-je ?» ou « Quelle est la vérité ?» vous ramènent instantanément au silence. Si vous êtes allergique au silence, et la plupart des gens le sont sérieusement, alors dès que vous revenez à cet état silencieux, le mental est semblable à des gouttes d'eau dans une poêle à frire brûlante. Il s'agite dans tous les sens en quête de quelque chose d'autre, d'une image ou d'une réponse conceptuelle. Le type de silence naturel, spontané et non contrôlé, est un silence du cœur. Il est fertile et vaste. Le silence contrôlé est pétrifié et étroit. En ne contrôlant pas le silence, vous vous sentez très ouvert, réceptif, et le mental ne s'impose pas. Un retour naturel à votre nature essentielle s'opère. Votre nature essentielle n'est pas le silence, c'est l'état de tranquillité. On peut aussi l'appeler l'absence de l'être ou la non-existence. Lorsque vous parvenez au véritable silence, vous avez transcendé l'état de silence. Tant que vous croyez que le silence est l'antithèse du bruit, ce n'est pas le silence véritable. Dans l'état de silence véritable, vous réalisez qu'entendre un marteau-piqueur, c'est aussi le silence. Il n'a fait que prendre forme. Le silence véritable est absolument englobant. Il transcende toute idée dualiste de ce qu'est le silence. Si nous pénétrons l'immobilité, nous constatons qu'elle n'est pas différente du mouvement. Après avoir médité, vous commencez la journée en pensant « Pourquoi ne puis-je préserver cette incroyable tranquillité ?» Si tel est le cas, c'est parce que vous avez connu l'immobilité contrôlée et pas le silence naturel et non maîtrisé. En vous détendant dans l'immobilité véritable, lorsque votre corps se lève pour bouger, la tranquillité, elle aussi, bouge. Si vous consentez à revenir à votre nature essentielle, Vous n'avez de désir pour rien en particulier dans cette tranquillité. Souvent, lorsque les gens sont en silence, ils attendent que quelque chose survienne. Une attitude qui intrinsèquement les maintient à la périphérie, nageant sur place, au lieu de simplement lâcher prise. Si vous n'attendez rien en particulier, une immersion et un approfondissement naturel dans la source de votre être intime surviennent. Tout est silencieux, et alors seulement vous commencez à pressentir la présence. Ce silence recèle une présence très tangible. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un silence mort. On sent une vivacité. C'est une présence qui réside dans votre corps et à l'extérieur. Elle imprègne tout. Si vous la cherchez, vous cherchez une présence grossière, une présence lourde qui vous tombera dessus. N'y songez pas. Le silence véritable est une lueur. Vous vous sentez lumineux. Il contient une présence éveillée, un intense sentiment d'être vivant. Lorsque vous atteignez le silence, vous vous détendez dans l'instant, dans votre nature essentielle. Ainsi, vous réalisez qu'il est impossible d'éviter un aspect quelconque de votre expérience. Si vous cherchez le silence pour fuir un sentiment, alors vous ne goûterez pas le silence véritable. Le dépouillement du silence ou la présence vous désarme de sorte que vous ne puissiez contourner aucune expérience, aucun événement, rien. Vous parviendrez peut-être à esquiver certaines choses en produisant un type de silence engourdi, mais dans le silence de votre nature essentielle, cette fuite est impossible. Tout est là, en attente. Plusieurs affabulations ou mythes spirituels que l'on perpétue décrivent ce retour à notre nature essentielle comme un champ de bataille, comme si quelque chose refusait de revenir à soi-même. Qu'on l'appelle l'ego, le moi ou le mental qui refuse d'être silencieux, les gens sur une voie spirituelle adhèrent à ce mythe voulant que quelque chose en eux refuse de s'éveiller et qu'il doit y avoir une lutte. Quand vous êtes vraiment silencieux, vous comprenez que c'est une complète absurdité. Vous voyez que la pensée apparaît dans l'esprit depuis la vacuité, et que c'est seulement si vous acceptez qu'elle est vraie qu'elle engendre le conflit. En revanche, vous constatez aussi clairement que c'est faux. Ce n'est qu'une pensée spontanément produite. Elle n'est vraie que si vous y accordez foi, et l'ajoutez à votre scénario du combat du chercheur spirituel héroïque. Dès que vous vous impliquez dans la lutte du chercheur, vous avez perdu la guerre. Grâce au silence, vous constaterez que peu importe le mouvement du mental, ce n'est qu'un mouvement de la pensée, qui n'a aucune réalité et qui ne devient réel que si vous y accordez foi. Les pensées ne font que traverser la conscience. Elles n'ont aucun pouvoir. Rien n'est réel jusqu'à ce que vous le touchiez, le saisissiez et l'imprégniez du pouvoir de la croyance. Vous ne pénétrez le silence qu'à ses propres conditions. Impossible d'y accéder avec quelque chose, uniquement avec rien. Impossible d'être quelqu'un. Seulement personne. Alors, l'accès est facile. Néanmoins, ce rien est en vérité le prix le plus fort que nous ne paierons jamais. C'est notre matière première la plus sacrée. Nous offrirons nos idées, nos croyances, notre cœur, notre corps, notre mental et notre âme. Mais la dernière chose que nous donnerons, c'est rien. Nous nous cramponnons à notre non-existence parce que c'est notre matière la plus sacrée, et au fond de nous-mêmes, nous le savons. Seul le rien accède au silence. C'est la seule chose qui y pénètre. Le reste de ce que nous sommes ne fait que frapper à une porte inexistante. dès que vous voulez obtenir quelque chose du silence, vous vous retrouvez à nouveau hors du silence. Le silence ne se révèle qu'à lui-même. Le silence dévoile son secret uniquement lorsque nous y pénétrons en tant que rien et y demeurons en tant que rien. Son secret, c'est lui-même. Voilà pourquoi je dis que toutes les paroles, les livres, les enseignements et tous les maîtres ne peuvent vous conduire qu'à la porte et peut-être vous inciter à franchir le seuil. Une fois là, vous sentez la présence du silence avec force. Vous êtes alors spontanément disposé à y pénétrer sans être quelqu'un. Voilà l'invitation sacrée. À l'intérieur, vous découvrez que le silence est le maître ultime et définitif, et l'enseignement ultime et définitif. C'est le seul maître qui ne vous parle pas. Le silence est le seul maître et le seul enseignement qui garde notre nature humaine sur les genoux en tout temps. Avec tout autre enseignement ou tout autre maître, nous pouvons nous relever. Nous pouvons penser « Oh, j'ai entendu Adia dire « et blablabla, et ça me paraît bien ». Et nous nous relevons du sol de l'abandon. Nous nous détournons de notre humilité la plus sacrée et merveilleuse. Le silence est le maître ultime, le meilleur maître, car il est l'invitation sans fin à accomplir ce que désire vraiment notre cœur humain. Être toujours à genoux au sol, vouer à jamais une dévotion à la vérité. Le silence est le seul enseignement et le seul maître présent en tout temps. Chaque minute où vous êtes éveillé, chaque minute que vous vivez, chaque minute que vous respirez, il est là. Les vagues de l'esprit exigent tant du silence. Mais il ne répond pas, ne fournit ni réponse ni argument. Il est l'auteur caché de chaque pensée, chaque sentiment, chaque instant. Silence. Il ne dit qu'un seul mot, et ce mot est l'existence même. Aucun nom alloué ne le touche, ni ne le cerne. Nulle compréhension ne le saisit. Le mental se jette dans le silence, exigeant qu'on le laisse entrer. Mais aucun mental ne peut pénétrer son obscurité rayonnante, sa vacuité pure et souriante. Le mental se jette sur des questions sacrées. Mais le silence demeure indifférent aux caprices. Il ne demande rien. Rien. Mais vous ne le lui accordez pas, car c'est la dernière pièce dans votre poche. Et vous lui donneriez plutôt vos attentes que vos mains vides et sacrées. Tout jaillit pour célébrer le mystère. Mais seule la non-existence pénètre la source sacrée, la substance silencieuse. Seule la non-existence est touchée et devient sacrée. Elle réalise sa propre nature divine, ce qu'elle est sans l'aide de la pensée. Le silence est mon secret. Non dissimulé. Non dissimulé.